événement à Kinshasa. Les exilés de Sion, Kungluya Mabwe à Kinshasa. Dans la salle mythique Showbuzz. Ce samedi 30 juillet 2022 à 14h. Poutoulou et Komata, Makalamako Tikala et la gloire de Sandra. Dès que mon Christ moi en Zambé, yo yo rataki ambala yasima, occasion yangoyoé. Les exilés de Sion, héritiers de la promesse, en concert inédit dans la capitale de la République démocratique du Congo. Frères et sœurs en Christ, venez vivre en live l'onction divine avec ces hommes et ces femmes qui chantent en prophétisant. Venez, venez célébrer avec eux, ainsi qu'avec quelques invités surprises, leurs 20 ans d'existence, 20 ans de cohésion, de stabilité et de communion avec le Créateur, le Dieu de Jésus-Christ. Ce samedi 30 juillet 2022 à 14h à Showbuzz. Que Dieu vous bénisse. Cordiale invitation à tous.